sur le dos, doucement vous faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans envoyer la balle. Un principe d'avancer sans danger par balle. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Un principe de violer ses femmes et de fils. L'antisocial.